Les mystères de Dolph Dan Radcliffe, partie 5, chapitre 2. Il est nécessaire de rapporter maintenant quelques circonstances dont le brusque départ de Venise et la suite rapide d'événements qui se succédèrent au château n'avaient pas permis de s'occuper. Le matin même de ce départ, Morano, à l'heure convenue, se rendit à la maison de Montoni pour y recevoir son épouse. Il fut un peu surpris du silence et de la solitude des portiques que remplissaient ordinairement les domestiques de Montoni. Mais sa surprise bientôt fit place au comble de l'étonnement, et cet étonnement à la rage quand une vieille femme ouvrit la porte et dit à ses serviteurs que son maître, sa famille et toute sa suite avaient quitté Venise de très bonne heure pour aller en terre ferme. N'en pouvant croire ses gens, il sortit de sa gondole et courut dans la salle pour en apprendre davantage. La vieille femme, qui seule avait soin de la maison, persista dans son histoire, et la solitude des appartements déserts le convainquit de la vérité. Quand la bonne femme se fut remise de sa frayeur, elle lui conta tout ce qu'elle savait. C'était à la vérité bien peu de choses, mais assez pour apprendre à Morano que Montoni était allé à son château des Apennins. Il l'y suivit. Aussitôt que ses gens eurent achevé ses préparatifs, un ami l'accompagnait, ainsi qu'un grand nombre de domestiques. Il était décidé à obtenir Émilie, ou à faire tomber sur Montoni toute sa vengeance. Quand son esprit fut remis de sa première effervescence et que ses idées se furent éclaircies, sa conscience lui suggéra certains souvenirs qui expliquait assez toute la conduite de Montoni. Mais comment ce dernier aurait-il pu soupçonner une intention que lui seul connaissait et qu'il ne pouvait deviner? Sur ce point, néanmoins, il avait été trahi par l'intelligence sympathique qui existe, pour ainsi dire, entre les âmes peu délicates et qui fait juger à un homme ce qu'un autre doit faire dans une circonstance donnée. C'est ce qui était arrivé à Montoni. Il avait acquis, à la fin, la preuve irrécusable de ce que déjà il soupçonnait. C'est que la fortune de Morano, au lieu d'être considérable comme d'abord il l'avait cru, était au contraire en assez mauvais état. Montoni n'avait favorisé ses prétentions que par des motifs personnels, par orgueil, par avarice. Une alliance avec un noble vénitien aurait sûrement satisfait l'un, et l'autre spéculait sur les propriétés d'Émilie en Gascogne, qu'on devait lui abandonner le jour même de son mariage. Il avait dès le premier moment suspecté en quelque chose le dérangement et la folie du comte, mais c'était seulement à la veille des noces projetées qu'il s'était convaincu de sa ruine. Il n'hésita pas à conclure que Morano le frustrait sûrement des propriétés d'Émilie, et cette pensée ne fut plus un doute quand, après être convenu de signer le traité la nuit même, le comte manqua à sa parole. Un homme aussi peu réfléchi, aussi distrait que Morano, dans un moment où ses noces l'occupaient, avait bien pu oublier un pareil engagement, sans que ce fût à dessein. Mais Montoni n'hésita point à l'expliquer dans ses propres idées. Après avoir attendu longtemps l'arrivée du comte, il avait commandé à tous ses gens d'être prêts au premier signal. En se pressant de gagner Adolphe, il voulait soustraire Émilie à toutes les recherches de Morano et rompre cette affaire sans s'exposer à aucune altercation. Si le comte, au contraire, n'avait, comme il les appelait, que des prétentions honorables, il suivrait sans doute Émilie et y signerait l'écrit projeté. Avec cette condition, l'intérêt de Montoni pour elle était si nul qu'il l'aurait sacrifié sans scrupule au désir d'un homme ruiné, dans l'unique vue de s'enrichir lui-même. Il s'abstint néanmoins de lui dire un seul mot sur les motifs de son départ, dans la crainte qu'une autre fois un rayon d'espérance ne la rendît moins traitable. C'est par ces considérations qu'il avait soudain quitté Venise, et par des considérations opposées, Morano l'avait poursuivi à travers les précipices de l'Apennin. Quand on annonça son arrivée, Montoni, ne doutant pas qu'il ne vînt accomplir sa promesse, se hâta de le recevoir. mais la rage, les expressions, le maintien de Morano lorsqu'il entra, le détrompèrent au moment même. Montoni expliqua en partie les raisons de son brusque départ, et le comte, persistant à demander Émilie, accabla Montoni de reproches sans parler de leur ancien traité. Montoni, à la fin, las de cette dispute, en remit la conclusion au lendemain, et Morano se retira avec quelque espérance sur l'apparente indécision de Montoni. Néanmoins, quand au milieu du silence de sa chambre il se rappela leur entretien, son caractère et les exemples de sa duplicité, le peu d'espoir qu'il conservait l'abandonna, et il résolut de ne pas perdre l'occasion d'obtenir autrement Émilie. Il appela son valet de confiance, lui dit son dessein, et le chargea de découvrir parmi les domestiques de Montoni quelqu'un qui voulût consentir à seconder l'enlèvement d'Émilie. Il s'en remettait au choix et à la prudence de son agent. Ce n'était pas à tort, celui-ci découvrit un homme que Montoni dernièrement avait traité avec rigueur, et qui ne songeait qu'à le trahir. Cet homme conduisit Cesario autour du château, et par un passage secret l'introduisit à l'escalier. Il lui indiqua ensuite un chemin plus court dans le bâtiment, et lui donna les clés qui pouvaient favoriser sa retraite. L'homme fut d'avance bien récompensé de sa peine, et l'on a vu comment la trahison du comte avait été récompensée. Montoni, le lendemain, fut comme à l'ordinaire. Il avait seulement le bras soutenu par une écharpe. Il fit le tour des remparts et visita ses ouvriers. Il en demanda un plus grand nombre et revint au château, où des nouveaux venus l'attendaient. Pendant ce temps, le comte se trouvait sous le chaume, dans les forêts de la vallée, accablé d'une double souffrance et méditant une vengeance profonde contre Montoni. Son serviteur, qui l'avait dépêché à la ville la plus voisine, qui était encore fort éloignée, ne revint que le lendemain avec un chirurgien. Le docteur refusa de s'expliquer avant d'avoir suivi les progrès de la blessure. Il fit prendre au malade une potion calmante et resta près de lui pour juger de son effet. Émilie, tout le reste d'une nuit si troublée, avait cependant dormi en repos. À son réveil, elle se rappela qu'enfin elle était délivrée des persécutions de Morano. Elle se sentit soulagée subitement d'une grande partie des maux qui depuis longtemps pesaient sur elle. Tout ce qui l'affligeait encore venait des ouvertures qu'avait jetées Morano sur les vues de Montoni. Il avait dit que ses projets ne pouvaient se concevoir, mais qu'ils étaient terribles. Pour en éloigner la pensée, elle chercha ses crayons, se mit à une fenêtre et contempla le paysage pour y choisir un point de vue. Ainsi occupée, elle reconnut sur les remparts les hommes nouvellement arrivés au château. La vue de ces étrangers la surprit, mais plus encore leur extérieur. Il y avait une singularité dans leur costume, une fierté dans leur regard, qui captiva son attention. Elle se retira de la fenêtre pendant qu'ils passaient au-dessous. Mais elle s'y remit pour les mieux observer. Leur figure s'accordait si bien avec l'aspérité de toute la scène que pendant qu'ils regardaient le château, elle les dessina en bandits et les plaça dans son tableau. Carlo, ayant procuré à ses hommes les rafraîchissements nécessaires, revint près de Montoni, comme il en avait reçu l'ordre. Celui-ci voulait découvrir quel était le domestique de qui, la nuit précédente, Morano avait reçu les clés. Mais Carlo, trop fidèle à son maître pour souffrir paisiblement qu'on pût lui nuire, n'aurait pas dénoncé son camarade à la justice elle-même. Il assura qu'il l'ignorait, et que l'entretien des deux domestiques étrangers ne lui avait pas appris autre chose que le complot. Montoni se rendit à l'appartement de son épouse. Émilie ne tarda pas à l'y joindre. Elle les trouva dans une violente contestation. Elle voulait se retirer quand sa tante la rappela et prétendit qu'elle le fût présente. « Vous serez témoin, dit-elle, de ma résistance. Maintenant, monsieur, répétez le commandement auquel j'ai si souvent refusé d'obéir. » Montoni se retourna et, prenant un visage sévère, il enjoignit à Émilie de se retirer sur le champ. Sa tante insista pour qu'elle ne partît point. Émilie désirait échapper au spectacle d'une pareille querelle. Elle désirait de servir sa tante, mais elle désespérait d'apaiser Montoni, dans les regards duquel se peignait entrée de feu la violente tempête de son âme. « Sortez, dit-il d'une voix de tonnerre. » Émilie obéit et se retira sur le rempart où les étrangers n'étaient plus. Elle médita sur le malheureux mariage qu'avait fait la sœur de son père et sur l'horreur de sa propre situation, dont la ridicule imprudence de sa tante était aussi devenue la cause. Pendant qu'elle se promenait ainsi sur le rempart, Annette parut à la porte de la salle et, regardant avec précaution, s'avança pour la joindre. « Ma chère demoiselle, je vous cherche dans tout le château, » dit-elle. « Si vous voulez me suivre, je vous montrerai un tableau. » « Un tableau ? » s'écria Émilie en frémissant. « Oui, mademoiselle, un portrait de l'ancienne dame de ce château. Le vieux Carlo vient de me dire que c'était elle, et je pensais que vous seriez curieuse de la voir. Quant à ma maîtresse, vous savez, mademoiselle, qu'on ne peut pas lui parler de cela. » « Ainsi, dit Émilie, vous en parlez donc à tout le monde ?»« Oui, mademoiselle, que faire ici à moins que d'y parler ? Si j'étais dans un cachot et qu'on me laissât parler, ça serait du moins un peu de consolation. Oui, je voudrais parler quand ce ne serait qu'aux murailles. Mais venez, mademoiselle, ne perdons point de temps, il faut que je vous montre le tableau. Est-il voilé ? Dit Émilie après un moment de silence. Ma chère demoiselle, reprit Annette en regardant Émilie, pourquoi donc pâlissez-vous ? Vous vous trouvez incommodée ? Non, Annette, je me trouve fort bien, mais je n'ai aucun désir de voir ce tableau. Vous pouvez aller dans la salle. « Quoi, mademoiselle, ne pas voir la dame du château, la dame qui disparut si étrangement ?»« Oh bien, pour moi, j'aurais franchi toutes les montagnes pour voir un semblable portrait. Pour vous dire au fond ce que je pense, il n'y a que cette histoire singulière qui puisse me soutenir dans ce vieux château. Et pourtant, d'y penser, je sens que je frissonne. Êtes-vous sûr que c'est un tableau ? » dit Émilie. « L'avez-vous vu ? Est-il voilé ? « Sainte Vierge Marie, mademoiselle, oui et non, et oui, je suis sûr que c'est un tableau, je l'ai vu, il n'est pas voilé. » Le ton, l'air de surprise avec lesquels tout cela fut dit, rappelèrent à Émilie sa prudence ordinaire. Un sourire dissimula son émotion. Elle dit à Annette de la conduire à son tableau. Il était dans une chambre mal éclairée, voisine de celle où se tenaient les domestiques. « Le voilà, mademoiselle, » dit Annette d'une voix basse et en le montrant. Émilie s'avança et regarda le tableau. Il représentait une dame à la fleur de l'âge et de la beauté. Les traits en étaient nobles, réguliers, pleins d'une expression forte, mais non pas de cette séduisante douceur que voulait trouver Émilie et de cette mélancolie pensive qu'elle aimait à rencontrer. « Combien s'est-il passé d'années, » dit Émilie, « depuis que cette dame a disparu ? » 20 ans, mademoiselle, ou environ, à ce qu'ils disent. Je sais qu'il y a longtemps. » Émilie continuait à examiner le portrait. « Je pense, reprit Annette, que monsieur devrait le placer dans une plus belle chambre que celle-ci. À mon avis, le portrait de la dame, dont il tient ses richesses, devrait être logé dans l'appartement d'honneur. C'était une belle dame, assurément, continua Annette. Et monsieur pourrait, sans rougir, le faire porter au grand appartement où se trouve le tableau voilé. » Émilie se retourna. « Mais quant à cela, on ne l'y verrait pas mieux qu'ici. J'en trouve toujours la porte fermée. « Sortons d'ici, » dit Émilie. « Et laissez-moi, Annette. Vous le recommandez encore. Soyez très réservé dans vos discours et ne laissez pas soupçonner que vous sachiez la moindre chose au sujet de ce tableau. » « Sainte Mère de Dieu, » cria Annette, « ce n'est pas un secret, tous les domestiques l'ont bien vu. » Émilie tressaillit. « Comment cela se peut-il, » dit-elle, « l'avoir vu, quand, comment ? Ma chère demoiselle, il n'y a rien de surprenant. Nous avons tous un peu plus de curiosité que vous n'en avez vous-même. » « Vous m'aviez dit, à ce que je croyais, » dit Émilie, « que la porte en était fermée. » « Si cela était, mademoiselle, » dit Annette, en regardant de tous côtés, « comment aurions-nous pu entrer ?»« Oh, vous parlez de ce tableau ?»« Si, » dit Émilie en se calmant. « Venez, Annette, je ne vois plus rien qui soit digne d'attention. Il faut sortir. » Émilie, en rentrant chez elle, vit Montoni descendre dans la salle. Elle retourna au cabinet de sa tante, qu'elle trouva seule, et tout en pleurs. La douleur et le ressentiment luttaient sur sa physionomie. L'orgueil, jusqu'à ce moment, avait retenu ses plaintes. Jugeant d'Émilie par elle-même, et ne pouvant se dissimuler ce que mérita d'elle l'indignité de son traitement, Elle croyait que ses chagrins exciteraient bien plutôt la joie de sa nièce qu'aucun sentiment de sympathie. Elle pensait qu'elle la mépriserait, et sûrement ne la plaindrait pas. Mais elle connaissait mal la bonté d'Émilie. Les peines de Madame Montoni l'emportèrent enfin sur son orgueil. Quand Émilie était entrée le matin, elle les aurait dévoilées toutes si son époux ne l'eût prévenue. Et dans ce moment où sa présence ne la contraignait plus, elle exhala ses plaintes amères. « Oh, Émilie, s'écria-t-elle, je suis la plus malheureuse des femmes. Je suis traitée d'une manière cruelle. Qui l'eût prévu quand j'avais devant moi une si belle perspective, que j'éprouverais un si affreux destin? Qui l'eût pensé quand j'épousais un homme comme M. Montoni, que j'empoisonnais toute ma vie? Il n'est aucun moyen de juger le meilleur parti qu'on ait à prendre. Il n'en est point pour reconnaître un bien solide. Les plus flatteuses espérances nous abusent. Les plus sages y sont trompés. Qui eût prévu, quand j'épousais M. Montoni, que je me repentirais de ma générosité? » Émilie s'assit près de sa tante, prit sa main, et de cet air compatissant qui indiquait un ange gardien, elle lui parla dans l'accent le plus tendre. Tous ces discours ne calmaient point Madame Montoni. Elle avait besoin de se plaindre encore plus que d'être consolée. Et ce fut seulement par ces exclamations qu'Émilie en connut la cause particulière. « Homme ingrat, dit Madame Montoni, il m'a trompé de toute manière. Il a su m'arracher à ma patrie, à mes amis. Il m'enferme dans ce vieux château, il pense me faire plier à tous ses desseins. Il verra bien qu'il s'est trompé. Il verra bien qu'aucune menace ne peut m'engager. » Ah! Mais qui donc l'aurait cru? Qui l'aurait supposé qu'avec son nom, son apparente richesse, cet homme n'avait aucune fortune? Non, pas un sequin qui lui appartint. J'avais fait pour le mieux. Je le croyais un homme d'importance. Je lui croyais de grandes propriétés. Autrement, l'aurais-je épousé? Ingrat, perfide mortel! Elle s'arrêta pour respirer. Ma chère tante, calmez-vous, dit Émilie. Ce château, la maison de Venise, sont à lui. Puis-je vous demander quelles sont les circonstances qui vous affligent, plus particulièrement? Quelles circonstances? S'écria Madame Montoni en colère. Quoi, cela n'est-il pas suffisant? Depuis longtemps ruiné au jeu, il a encore perdu tout ce que je lui avais donné. Il prétend aujourd'hui que je lui livre mes contrats. Il est heureux pour moi que la plus grande partie de mes biens se trouve tout entière à mon nom. Il veut les fondre aussi, et se jeter dans un infernal projet dont lui seul peut comprendre l'idée. Et tout cela n'est-il pas suffisant? Assurément, dit Émilie. Mais rappelez-vous, madame, que je l'ignorais absolument. Mais n'est-il pas bien suffisant, reprit sa tante, que sa ruine soit absolue, qu'il soit écrasé de dettes, tellement que ni ce château, ni la maison de Venise ne lui resteraient, si ses dettes honorables ou déshonorantes se trouvaient payées? Je suis affligé de ce que vous me dites, dit Émilie. Et n'est-il pas bien suffisant, interrompit madame Montoni, qu'il m'ait traité avec cette négligence, avec cette cruauté, parce que je lui refusais mes contrats, parce qu'au lieu de trembler à ses menaces, je l'ai défié avec résolution et lui ai reproché une si honteuse conduite. Moi dont le seul tort est une trop grande bonté, une générosité trop facile, je me vois enchaîné pour la vie à ce vil, perfide et cruel monstre. Émilie vit que ses malheurs n'admettaient point de consolation réelle. Et méprisant les phrases communes, elle aima mieux garder le silence. Mais Madame Montoni, jalouse de toute son importance, prit ce silence pour celui de l'indifférence, ou du mépris, et reprocha à Émilie l'oubli de ses devoirs et le manque de sentiment. « Oh, comme je me défiais de cette sensibilité si vantée quand on la mettrait à l'épreuve !» reprit-elle. « Je savais bien qu'elle ne vous enseignerait ni tendresse ni affection pour des parents qui vous ont traité comme leur fille. » « Pardonnez-moi, madame, dit Émilie avec douceur, je me vante peu, et si je le faisais, je ne me vanterais pas de ma sensibilité. C'est un don peut-être plus à craindre qu'à désirer. »« C'est à merveille, ma nièce, je ne disputerai point avec vous. Mais comme je le disais, Montoni m'a menacé avec violence, si je refuse plus longtemps de lui signer l'abandon de mes contrats. C'était le sujet de notre contestation quand vous êtes entrée ce matin. Je suis maintenant déterminée. Nul pouvoir sur la terre ne pourra m'y contraindre. je n'endurerai point tous ces procédés de sang-froid. Il apprendra de moi ce que c'est que son caractère. Je lui dirai tout ce qu'il mérite en dépit de sa menace et de sa férocité. Votre situation, madame, dit Émilie, est moins désespérée peut-être que vous ne pensez. Monsieur Montoni peut vous peindre ses affaires en plus mauvais état qu'elles ne sont réellement, pour exagérer, démontrer le besoin qu'il a de vos contrats. D'ailleurs, tant que vous les garderez, ils vous offriront une ressource, si la future conduite de votre mari vous obligeait enfin à vous séparer de lui. Madame Montoni l'interrompit impatiemment. « Insensible, cruelle fille ! » s'écria-t-elle. « Vous voulez donc me persuader que je n'ai pas sujet de me plaindre, que mon mari est dans une position brillante, que mon avenir est consolant, que mes douleurs sont puériles, romanesques, ainsi que les vôtres ? Étrange consolation ! Me persuader que je suis hors de sens et de sentiment, parce que vous n'avez aucun sentiment vous-même. J'imaginais ouvrir mon cœur à une personne compatissante qui sympathiserait avec mes peines. Mais je le vois trop. Les gens à sentiments ne savent sentir que pour eux seuls. Retirez-vous. » Émilie, sans lui répliquer, s'éloigna dans le même moment avec un mélange de pitié et de mépris.